Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bon début de mois de février, merci de continuer de méditer les Saintes Écritures avec le lecteur de la Bible 2020. Nous sommes le lundi 3 février 2020, ce jour marque le 34e jour de l'année 2020. Nous espérons que tout se passe bien dans votre vie et dans la vie de toutes les personnes que vous aimez. C'est l'occasion de penser à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles dès ce début d'année 2020. Que la grâce de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin soit votre partage. Nous lisons pour ce jour Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 25 avec le professeur titulaire Elvis Kofi Gbaklia. Bonjour professeur. Bonjour frère Alex. Le professeur Elvis Kofi Gbaklia est par ailleurs pasteur auxiliaire à l'église baptiste œuvre et mission de Cocody Angré. La présentation de cette émission est assurée par votre serviteur Alex Adombi Pacom, la mise en nom de l'affaire d'Emmanuel Yao. Son assistant s'appelle Edouard Yao. Permettez-nous de prier avant de lire le texte. Nous prions avec le professeur Elvis Kofi. Aujourd'hui, 3 février 2020, déjà 34 jours de vécu depuis le début de l'année. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous lire le décret de l'Éternel notre Dieu portant bénédiction sur votre vie. Vu l'Ancien Testament, vu le Nouveau Testament, vu le rapport établi sur votre vie par le Haut Conseil des Saints, considérant votre statut de fils ou de fille de Dieu, l'Éternel des armées décrète ce qui suit. Article 1. Vous êtes déclaré béni en cette année 2020 dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Article 2. Toutes armes forgées contre vous seront sans effet. Toutes langues qui s'élèveront en jugement contre vous seront condamnées. Article 3. Tout décret satanique, démoniaque, pris contre votre vie, votre famille, contre votre santé, est révoqué au nom de Jésus. Amen. Article 4. Tout démon mandaté pour arracher votre bonne humeur et votre joie en cette année 2020 est lié et jeté au feu de la géhenne au nom de Jésus. Article 5. Tout événement malheureux déjà prévu dans le monde des ténèbres est annulé et transformé en événement heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Article 6. L'Éternel agira en ta faveur et réduira au silence ceux qui vous haïssent au nom de Jésus. Article 7. Le présent décret abroge toute condamnation, toute malédiction et toute peine antérieure. Article 8. Les anges du troisième ciel sont chargés de l'exécution du présent décret sur votre vie. Article 9. Le présent décret prend effet à compter du moment où tu l'entends et ne pourra point être abrogé. Qu'il en soit ainsi pour tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne et heureuse année 2020. Nous allons lire le texte du jour, chers amis auditeurs. Il s'agit de Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 25. C'est un texte qui est très long, nous allons le lire pour tous nos frères non-voyants qui suivent cette émission et qui lisent la Bible au travers de la lecture que nous faisons. Nous allons donc le lire et nous lisons la version Stéval. Nous lisons à partir du verset 1. Or, voici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en gardant tous les jours de ta vie, toi ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Verset 5. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner dans de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, verset 11, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, vers des puits creusés que tu n'as point creusés, vers des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés et que tu mangeras et seras rassasié, prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous. Verset 15. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous le tentâtes à Massa. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu et ses lois et ses statuts qu'il t'a prescrits. Tu feras donc ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres et possèdes le bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. En chassant tous tes ennemis devant toi comme l'Éternel l'a dit. Verset 20. Quand ton enfant t'interrogera demain en disant « Que veulent dire ces préceptes et les statuts et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton enfant « Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a fait sous nos yeux des signes et des miracles grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là afin de nous amener au pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Versets 24 et 25 pour mettre fin à la lecture. « Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts en craignant l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous a ordonné. Amen. » Amen. Bienvenue, amis auditeurs, à vous. Lisons ensemble ce texte de Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 25. C'est le texte que nous lisons, pour ce lundi 3 février 2020. Nous sommes avec le professeur Elvis Kofi Gbakliya. Alors, professeur, c'est votre première émission. On va vous permettre, avant d'entamer le texte, de présenter vos vœux à l'endroit des auditeurs. Ben, comme le décret que nous venons de lire tout à l'heure, oui. Que cette année soit une année de prospérité, que cette année... les merveilles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soient le partage de tous les auditeurs et tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs. Merci. Alors, le texte que nous lisons, c'est Deutéronome chapitre 6. C'est tout le chapitre constitué de 25 versets. Oui. Alors, quel est le contexte de ce passage? Nous sommes dans l'observation. Oui, ce passage fait partie de l'un des trois grands discours de Moïse après la libération du peuple de Dieu. On le trouve exactement dans le second discours où il rappelle d'abord le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, au chapitre 4 et surtout au chapitre 5, pour ensuite donner le credo, c'est-à-dire les fondamentaux de la foi religieuse au peuple d'Israël que nous trouvons dans ce chapitre 6. Voilà. D'accord. Alors, le texte, c'est tout le chapitre 6, nous l'avons tantôt dit. Oui. Alors, de quoi parle ce texte? Ce texte présente les principes essentiels sur lesquels la foi religieuse chrétienne est fondée et doit régler la conduite de chacun. C'est une profession de foi qui nous vient du latin chrétien « credo », qui signifie « je crois ». Ainsi, Moïse le présente au peuple d'Israël comme une obligation qui est celle d'aimer le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ne point l'oublier et de lui rester fidèle, car c'est par pure grâce qu'il a été choisi parmi tant d'autres nations. Moïse leur impose ici la foi en un seul et unique Dieu. Voilà, le polythéisme est désormais banni. Il y a un seul Dieu, il est unique, il s'appelle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Yahvé. D'accord. Voilà. Les détails de l'observation tout à l'heure, après il sera question de l'interprétation et vers la fin de l'émission, nous allons vous proposer des pistes d'application des enseignements. On va continuer notre observation avec les détails. Alors vous proposez 5 parties. Alors la première partie, donc, c'est l'introduction, les versets 1 à 3. Oui, alors du verset 1 à 3, nous l'avons appelé introduction ou prélégomène. Ces trois premiers versets constituent un prologue. Ou si vous voulez, une introduction à ce qui va suivre. C'est une exhortation à la crainte de l'Éternel. Laquelle crainte consiste en l'observation de tous ses commandements. C'est la condition pour Israël de connaître le bonheur. C'est-à-dire, si Israël suit tous les commandements, les met en pratique, le bonheur en est la conséquence. Moïse parle de commandements, d'ordonnances de la part de Dieu. C'est donc un ordre qu'il a le devoir de transmettre au peuple et le peuple à sa descendance. Il y a donc l'idée centrale de continuité, l'idée de pérennisation dans la transmission de ces ordonnances. Comme on le voit clairement, à présent, cette introduction plante de l'idée d'héritage spirituel que les pères ont à transmettre à leurs enfants, d'où la chaîne de succession. Il dit « toi, ton fils, le fils de ton fils » qu'on voit au verset 2. D'ailleurs, Moïse insiste sur cette idée d'héritage spirituel en cette introduction, ainsi qu'au verset 7, au verset 20 et au verset 25. Mais on retrouve déjà cette idée en Deutéronome 4, verset 9, passé, mais en Deutéronome 11, verset 19 et Deutéronome 32, verset 46 qui vont suivre. C'est la condition pour être dans le bonheur, symbolisée ici par le lait et le miel, si seulement si on met ces commandements en pratique. D'accord. Deuxième partie, le grand commandement, c'est le titre et sont concernés les versets 4 à 5. Alors, à partir du verset 4, se pose le fait divin d'où découle le grand devoir. Mon frère, ma sœur, toi qui es à l'écoute de cette méditation, cela signifie que le Dieu que tu adores comme ton Dieu, sous le nom de Jéhovah, Yahvé, qui signifie celui qui est, ce Dieu-là est le seul qui possède l'éternité. Tout autre Dieu est par conséquent néant à côté de lui. C'est ici l'affirmation la plus catégorique possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement cela s'adresse à Israël à cette époque, mais également au monde entier qui n'a pas d'autre maître que ce Dieu-là. De tout temps, cette affirmation est considérée comme le point essentiel de la profession de foi chez les Juifs. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi pendant le culte judaïque du matin et du soir à la synagogue, la formule par laquelle s'ouvre à chaque fois le message est appelée schéma. Et cela comprend le paragraphe qui va du verset 4 au verset 9. Et cela se récite sur un ton particulièrement élevé et solennel. C'est la confession de foi d'Israël. C'est son acte de foi. C'est pourquoi ce verset commence par « écoute », qui est un appel solennel, propre à faire sentir toute l'importance de la déclaration qui va suivre. En raison du grand principe monothéiste posé au verset 4, nous avons désormais comme conséquence d'être redevables de tout à un Dieu unique qui oblige l'Israélite originel ou l'Israélite d'adoption comme toi, comme moi, comme toi ma sœur, à se donner lui-même à ce Dieu avec tout ce qu'il possède de vie et de force. D'accord. Troisième mouvement, les versets 6 à 9, est le titre « Conséquences de l'amour de Dieu ». Oui, sous l'emprise de cette forte conviction où on doit se donner cœur, âme et force, l'Israélite est en permanence préoccupé par les divins commandements. Et nous voyons ça au verset 6, verset 8, verset 9. « Et les fera intervenir dans toutes les circonstances de sa vie de famille », comme on le voit clairement au verset 7. Évidemment, les usages extérieurs de ces commandements ne sont et ne doivent être qu'un moyen de réveiller constamment la préoccupation intérieure dont parle le verset 6. C'est pourquoi on parle de lier, on écrit, on doit lier ça aux mains, on doit mettre ça sur le front, on doit écrire ça sur les poteaux, dans la maison, sur les portes. Ça, ce sont les usages extérieurs. Quand tu vois cela, tu dois être capable de ramener cela à l'intérieur de toi pour vivre ça pratiquement. Voilà les conséquences de l'amour de Dieu. D'accord. Mouvement 4, les obstacles à l'amour de Dieu chez le peuple, les versets 10 à 19. Oui, nous l'avons intitulé « Les obstacles à la manifestation de l'amour de Dieu chez le peuple ». Dans ce mouvement, il est question des dangers qui peuvent entraver notre amour pour Dieu. Le texte nous relève trois grands obstacles pouvant freiner notre amour pour Dieu. Le premier obstacle, c'est l'oubli. En effet, lorsque Dieu bénit ses enfants, ils ont la fâcheuse tendance d'oublier la source de leur bénédiction. C'est pourquoi, du verset 10 au verset 12, le texte parle de l'oubli de Dieu dans la jouissance des biens trouvés à Canaan. Prenons donc garde, afin de ne point oublier notre Dieu dans l'abondance. Le deuxième obstacle est la corruption de la croyance en un seul Dieu par les considérations extérieures, par les croyances païennes, mondaines. On ne doit point servir un autre Dieu, encore moins jurer par le nom d'un autre Dieu. Et enfin, le troisième obstacle est le manque de confiance et le manque de soumission du peuple de Dieu dans les épreuves. Moïse, après avoir rappelé les murmures du peuple contre Dieu à Refidim en Exode 17, 1 à 7, leur demande ici d'arrêter de murmurer contre Dieu et surtout d'arrêter d'être impatient lorsque la promesse tarde à se réaliser. C'est pourquoi dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit clairement que si la promesse tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement. Par les murmures et l'impatience, l'homme, le chrétien d'aujourd'hui, veut faire agir Dieu plutôt que lui, il ne l'a prévu. Ça, ce texte nous dit de ne pas faire contre. D'accord. Voilà. Alors, le dernier mouvement, ces recommandations finales sont concernées les versets 20 à 25. Oui, il s'agit dans ce passage d'assurer le maintien de la piété, non seulement dans le peuple, mais également dans chaque famille. En fait, c'est ici que le verset 7 précédent est expliqué en détail. Du verset 20 au verset 25, le verset 7 est expliqué dans les moindres détails. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Et c'est ce qui termine ce texte. Ce sont les recommandations que nous devons retenir. D'accord. Merci de suivre, méditons ensemble, chers amis auditeurs. Deutéronome chapitre 6, la verset 1 à 25, c'est le texte que nous lisons. L'interprétation va nous permettre de révéler les vérités que nous découvrons dans ce texte. Alors, professeur, est-ce qu'il y a quelques vérités à partager avec les auditeurs? Oui, nous avons relevé de ce texte qui est assez long, quatre vérités. La première vérité, c'est que l'Éternel, notre Dieu, est le seul vrai Dieu, le seul éternel. La deuxième vérité, on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Troisième vérité, on doit transmettre ces vérités comme un héritage spirituel à nos enfants et à nos petits-enfants. Enfin, quatrième et dernière vérité, on doit mettre ces vérités en pratique dans notre vie de chaque jour afin de connaître le bonheur qui vient de Dieu. Voici les vérités qui transparaissent après analyse de ce texte. D'accord, mettre les commandements de Dieu en pratique dans chaque aspect de notre vie, oui, c'est vraiment ça. C'est ça. D'accord. Oui. Nous allons maintenant terminer cette émission, chers amis auditeurs, avec l'application. Nous vous rappelons le texte que nous lisons, c'est Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 25. Nous sommes avec le professeur Elvis Kofi Baklia. Alors, professeur, on va conclure. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce texte? Mais on doit retenir ce matin de ce texte que Dieu a donné les commandements afin que le peuple les observe, afin que le peuple les mette en pratique pour en conséquence être heureux. Ici, le verbe « observer » signifie aussi « craindre l'Éternel ». L'amour envers l'Éternel est aussi de le craindre car il est notre Dieu créateur. Et on ne doit pas oublier, on ne doit pas oublier cela. Voilà. D'accord, on va terminer par la prière, professeur. Oui. Quel sujet vous proposez? Nous faisons notre la profession de foi des Juifs car nous sommes devenus des Juifs par adoption. Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons bien compris ce matin. Tu es l'unique et vrai Dieu. Accorde-nous ce jour de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Permets-nous, ô Yahvé, d'aimer aussi notre prochain afin d'accomplir ainsi le plus grand commandement que tu nous as laissé. Merci de bénir en ce second mois de la nouvelle année 2020 tous les auditeurs de notre radio. Accorde-leur le succès, la réussite, le bonheur et la paix qui vient de toi. Honneur, gloire et élévation te soient rendus aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi Méditons ensemble, chers amis auditeurs, pour ce lundi 3 février 2020. Nous vous convions à la page 21 dans le lecteur de la Bible 2020 pour lire la note explicative au texte de Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 25, note explicative intitulée « Moïse, l'intermédiaire pédagogique pour l'appropriation des lois de Yahvé ». très bon commentaire à lire donc à la page 21. Merci au professeur titulaire des universités Elvis Kofi Gbaklia, il est par ailleurs pasteur auxiliaire à l'église baptiste œuvre et mission de Cocody en Ré. Demain, il sera encore un autre pour la lecture du psaume numéro 126. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Il est assisté de Doigt Yao. Je suis Adam Bialef.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Shalom. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.